cesse, à mes côtés s'agite le démon. Il nage autour de moi comme un air impalpable. Je l'avale et le sang qui brûle mon poumon et l'emplit d'un désir éternel et coupable. Il me conduit ainsi loin du regard de Dieu. Ah, le temps est brisé de fatigue au milieu des plaines de l'ennui profondeuses et désertes, et jette dans mes yeux plein de confusion, des vêtements souillés, des blessures ouvertes et l'appareil sanglant de la destruction. Sachant mon grand amour de l'art, la forme de la plus séduisante des femmes. Et sous de spécieux prétextes de cafard, accoutume ma lèvre à des philtres infâmes. Me conduit ainsi loin du regard de Dieu. Ah, le temps est brisé de fatigue au milieu des plaines de l'ennui profondeuses et désertes, et jette dans mes yeux plein de confusion, des vêtements souillés, des blessures ouvertes et l'appareil sanglant de la destruction.